Bonjour à toutes et à tous. C'est encore la joie de se retrouver ensemble dans la maison de Dieu, de le louer, de chanter et après cela, écouter les sages conseils qui viennent de sa parole. Et avant d'aborder la prédication, je voulais donner une autre annonce. Au niveau de la FEME, on nous a contactés pour demander de donner le nom et le contact téléphonique d'un responsable au niveau de notre cellule d'intercession, si nous en avons à l'église. Et je crois que nous en avons. C'est le frère Colin, c'est son nom qui a été donné. Et ils ont demandé à ce que ces responsables se rencontrent aujourd'hui à 18h à la FEME parce qu'il y a en vue une veillée de prière en préparation. Donc ce soir à 18h, Colin va se joindre aux autres pour qu'ils puissent parler de cela. Et la veillée proprement dite, ce sera le vendredi 12 et ça sera au niveau de l'église centrale de l'Alliance chrétienne à côté ici. Et ils ont dit d'informer les fidèles afin que les uns et les autres puissent se joindre à cette veillée qui commence à partir de 21h. C'est pour prier pour la paix de notre nation. Donc vous êtes informés, ceux qui peuvent dégager du temps, qu'ils puissent se joindre au niveau de cette veillée de prière qui aura lieu au niveau de l'église de l'Alliance chrétienne le vendredi prochain à partir de 21h. Que le Seigneur nous bénisse tous. À propos de cette visite à la, disons, la vie de faire le culte avec ceux de la prison, Jacob a proposé quelque chose. Ben moi, j'allais poser une question d'abord. Parce qu'il faut qu'on sache à peu près combien ont le t-shirt, combien ont d'eux, pour qu'on voit ceux qui peuvent aller ou bien. C'est pas mieux comme ça? Pour le quarantenaire, quels sont ceux qui ont le quarantenaire et qui voudraient partir? Levez bien haut la main. Ceux qui ont le quarantenaire. Ali n'a pas le quarantenaire. Ah, ça c'est autre palabre. Hein? Bon, d'accord. Lève-toi, Jacob. Mets-toi debout. Ce que Jacob a là, combien ont ça? Ali, au fond, tu fais. Vous avez vu? Ah! Le pasteur il se demandait aux gens, et puis les mamans là souvent font ma femme fait la commerçante, et puis bon, je n'appuie pas, mais je crois que je vais appuyer maintenant de toute ma force pour exiger que les gens aient le pain. Ou bien, bon, on va faire comment? Ceux qui ont l'habit que lui là, c'est combien? Ceux qui ont ce pain là, ils sont un bon nombre? Hein? Bon, la scène n'a pas ça. A-t-il fait l'affaire? Bon. Et pour le t-shirt là, combien ont le t-shirt? Ceux qui ont le t-shirt là, levez les mains. Presque tout le monde a ça. La salle a le t-shirt. Qui n'a pas? Maman n'a pas. Tatiana. Tu n'as rien comme ça. D'accord. Donc je me rends compte que c'est le t-shirt qui semble marcher. C'est le t-shirt là, c'est pour le FEMO, c'est ça? L'anniversaire du FEMO là. Ok. Il n'y a pas de problème. Je crois que c'est ça qui risque de marcher. Bien. Donc, on va pour le t-shirt. Mais je vous préviens, la prochaine fois qu'il y aura vente de pain, je vais m'assurer que tout le monde a eu le pain. Si vous voulez que vous ne cousez pas, ça c'est pas un problème. La dernière fois, Bruce nous a dit que pour le quarantenaire, si quelqu'un a déjà le pain, c'est suffisant. Les dames ont l'habitude d'attacher, non? Alors, on va faire à l'ivoirienne. Il suffit d'attacher comme une couverture d'un côté. Et puis, ça marche. On a le pain. OK. Bien. Donc, il n'y a pas de souci. Nous irons avec le t-shirt. Je trouverai un t-shirt pour ma femme. Il n'y a pas de problème. Ça ira. OK. Donc, continuez à prier pour cette sortie. Parce que nous voulons aller encourager et je crois aussi que au niveau de la de la prison, l'aumônier a demandé si au niveau de notre communauté nous pouvons soutenir. Ils disent qu'ils veulent organiser un repas pour la Pâque. Bon, le dimanche où nous partons n'est pas la Pâque, c'est le dimanche après. Et ils ont demandé si notre communauté pouvait les soutenir. Bon, j'avais immédiatement pensé aux trois sacs de riz qu'on avait déjà chez nous. Et Jacob a dit que l'aumônier a dit qu'ils ont déjà du riz. Que si on pouvait donner l'argent pour les condiments, pas de problème, on verra. Donc, je crois que le comité a entendu, les trésoriers, la trésorière a entendu, on verra. Et on continue toujours à donner pour que cette sortie soit également une réussite comme celle que nous avions dû faire par le passé à l'hôpital. Une autre information, et je la pose comme question, je vous avais informé que Mme Bafiogo avait perdu sa maman à Bobo. Et en tant que sa collègue, nous avons été pour l'enterrement. Et comme elle a été notre logeuse avec Alicia, bon, elle est toujours une personne de notre communauté. Parce qu'elle a fait l'église mennonite. C'est quand elle s'est mariée à quelqu'un des AD. Finalement, quand elle est venue, elle s'est retrouvée à l'église centrale des AD. Mais cela n'a pas empêché que lorsque la possibilité était là pour qu'elle puisse loger celle qui était venue au nom de notre communauté dans le programme d'échange de MCC, elle a fait de bon cœur. Donc, comme je ne l'ai pas informé, j'allais projeter notre visite pour la semaine prochaine. On pourra, la semaine prochaine, l'après-midi, pour ceux qui sont disposés, qu'on aille lui présenter nos condoléances. Pendant toute la semaine, nous serons ensemble. Et là, je pourrais l'informer. Mais parce que si, sans l'avoir informé, si nous allons aujourd'hui, bon, je ne sais pas à quel moment on va la trouver. Et puis, comme les gens de sa communauté aussi, probablement vont se déplacer pour aller lui présenter leurs condoléances. Donc, je propose que le dimanche prochain, que nous allions présenter nos condoléances à cette famille. Et dans l'après-midi, on pourra s'entendre sur l'heure. Je pense que notre dimanche prochain, on aura la prière, n'est-ce pas? Bon, si nous allons, et puis après cela, nous venons à la prière, ce ne serait pas mieux? Ce n'est pas la bonne manière comme ça? Ok. Donc, si on peut se retrouver quelque part à 18h, ceux qui connaissent chez elle, qu'on se retrouve à 18h, qu'on lui présente nos condoléances, et puis après nous venons pour la prière. La dernière information, je sais que tout le monde ne pourra pas aller, n'est-ce pas? Il y a des gens pour une raison ou pour une autre ne pourront pas participer à ce culte là-bas. Bon, il ne serait pas bon qu'on les oublie aussi. N'est-ce pas? Si on leur dit d'organiser un culte ici, il faut qu'on trouve quelqu'un qui puisse gérer des choses. C'est pas cela? Bon, comme on ne pourra pas trouver quelqu'un, parce que je ne sais pas qui pourra gérer cela, mais tous ceux qui vont rester ici, je leur demande, nous commençons notre culte à 9h d'habitude, n'est-ce pas? Si vous le trouvez à 9h, vous pouvez prendre du temps dans la prière et il y a plein de sujets pour lesquels vous pouvez prier et puis après cela, vous vous dispersez. Ça peut se faire comme ça? D'accord, s'il y a quelqu'un qui va diriger, il n'y a pas de problème. Il pourra préparer un partage et puis partager et ensuite les gens pourront se disperser. Ceux qui vont rester, levez les mains. Ceux qui ne pourront pas participer, allez à la prison. Ceux qui vont rester. Oui. Martine sera là le dimanche prochain. C'est le coup. Bon, d'accord. Donc, Martine va... Bon. Donc, je demande à Martine, sans qu'elle ne... Je sais qu'elle ne va pas refuser. Martine va préparer un passage et elle va partager avec vous. Amen. C'est réglé, non? Merci, maman, pour la suggestion. Et merci à Martine qui va accepter le faire aussi. Ok. Donc, s'il y a lieu de trouver quelqu'un qui va diriger les chants, vous allez vous entendre entre vous. La semaine dernière, nous avons lu notre passage dans... Quelqu'un peut me rappeler? C'était quoi? Jean? Jean 20, n'est-ce pas? Bon, il y a tout juste quelques jours de cela. Jean 20, et nous avons lu à partir du verset combien? 19 à 23. Ok. Si vous avez tous suivi la louange et les chants, vous avez vu que beaucoup de fois, on n'a fait que chanter le Saint-Esprit, ainsi de suite, n'est-ce pas? Le dimanche passé, j'avais commencé mon partage après la lecture de ce passage. Je vous avais dit que j'allais le faire en trois parties. La première partie, c'était la paix dont parle Jésus. Parce que dans notre passage, deux fois d'affilée, Jésus parle de paix. Au verset 19, à la fin du verset 19, il a dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, verset 20, « Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Verset 21, Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et je vais expliquer les raisons pour lesquelles le Seigneur est revenu deux fois d'affilée sur le terme « paix, paix et paix ». Ce passage, si nous le voyons depuis le début, c'est après la résurrection du Seigneur et le premier contact avec ses disciples. Il y avait la crainte. Où il est rentré les trouver, il est dit qu'ils étaient enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur des Juifs. Et le dimanche passé, je vous ai dit qu'il avait réellement raison de parler de paix jusqu'à deux fois. À cause du fait que, de façon intérieure, il y avait ce manque de paix. J'ai expliqué un peu. Vous avez vu Marie qui était à la tombe. Elle a pleuré. Et quand on voit une personne d'un certain âge pleurer, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Ensuite, dans ce même passage, vous avez vu Pierre et l'autre disciple courir. Et je vous ai dit, pour qu'on trouve des personnes d'un certain âge se mettre à courir, ça veut dire qu'il y a un problème. Et cela montre qu'il y a quelque chose en eux. Et ils sont allés, c'était pour vérifier. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Et s'ils avaient cette paix réellement, ils n'allaient pas revenir s'enfermer. Et je vous ai dit que le manque de paix extérieure influence la paix extérieure. Et vice-versa. S'il y a la paix extérieure, et que le manque de paix extérieure peut influencer l'intérieur au point où la paix s'envole également. Et Christ a dit qu'il leur donnait sa paix. Et je vous ai dit, quand nous regardons dans le monde, la plupart du temps, ce que le monde fait, le monde ne donne pas. Le monde impose. Si on vous donne, ça veut dire que vous avez le choix. Vous regardez, vous décidez et vous prenez. C'est pas cela? Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez le choix entre prendre et ne pas prendre. Si vous prenez, c'est parce que vous avez mûrement réfléchi, vous avez trouvé que ça peut faire votre affaire. Mais le monde ne donne pas de paix. Le monde souvent impose. Or la paix imposée ne peut pas être une vraie paix. C'est la raison pour laquelle notre monde manque de paix. C'est une paix imposée souvent. On vous dit d'être d'accord avec lui. Même si vous n'êtes pas d'accord, même si intérieurement vous n'êtes pas prêt, on vous dit que c'est la meilleure façon pour que la paix vienne. Je vous assure que cette sorte de paix ne peut pas tenir parce qu'elle n'est pas donnée sur une bonne base. Donc, le Seigneur avait besoin d'abord de cela. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour que ces gens puissent bien faire cette commission-là, il faut qu'ils soient des gens qui ont cette paix intérieure en eux. Ils ne peuvent pas faire cette mission, ils ne peuvent pas l'accomplir tant qu'en eux, ils n'ont pas cette paix intérieure. Je vous ai donné l'exemple. Si vous allez et que vous n'avez pas cette paix intérieure, il suffit qu'on vous gifle une première fois et c'est fini. Vous fermez votre bouche, vous n'allez plus parler de l'évangile. Ou bien, vous allez être froissé. Et si d'ailleurs, vous n'avez pas une vraie paix en vous, vous allez répliquer avec un coup de poing aussi. Quel témoignage pour l'évangile? Est-ce qu'on témoigne ainsi? Est-ce qu'on prêche ainsi l'évangile? Non. Dans la violence, vous ne pouvez pas vous faire comprendre, vous ne pouvez pas vous faire accepter. Il faut qu'il y ait la paix. Ensuite, la suite de notre passage, au verset 21, il est dit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Moi aussi, je vous envoie. » 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23. « Ceux à qui vous pardonnerez leur péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Quelle sentence! Ça, c'est facile. C'est facile à dire, mais difficile, hein? Si on dit à chacun de nous ici, voilà, si tu retiens son péché est retenu, ah, ça sera beaucoup de bourreaux parmi nous. Donc, je vais, dans la première partie, parler de cet esprit qu'il a soufflé sur eux. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que ça faisait partie de leur équipement pour qu'ils puissent mener à bien cette mission-là. Et ensuite, la dernière partie, l'autorité qu'il leur a donnée pour l'accomplissement de cette mission. Nous verrons cela après la pause, lorsque on aura repris pour la deuxième partie du jeûne et prière. Il est dit que le Seigneur, après ses paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans le livre des Actes, nous voyons que là, ça n'a pas été instantané. Dans le livre des Actes, si vous allez au premier chapitre, après qu'il se soit présenté à eux, il leur a dit de rester dans la chambre haute jusqu'à ce qu'ils reçoivent cette puissance. Et cette puissance, c'était le Saint-Esprit. Ils seraient équipés en ce moment. Ils pourraient maintenant commencer leur ministère. Je crois que une fois qu'ils s'est rassurés qu'ils avaient cette paix en eux, ils voulaient que ces gens aient l'équipement nécessaire pour pouvoir assurer cette mission. Et comme je vous ai à plusieurs reprises dit, Jésus était un très bon pédagogue. Et il n'envoyait pas les gens comme ça. Ses disciples ont travaillé avec lui pendant ces 3 années où il a eu à les former. Souvent, ils étaient comme des spectateurs, ils regardaient leur maître faire, mais souvent également, Jésus les mettait, il les envoyait à la tâche. Si vous vous rappelez, il les a envoyés à les prêcher, n'est-ce pas? Et lorsqu'on parle de la multiplication des pains, quand ils sont venus lui dire qu'il y avait un manque, qu'est-ce qu'il leur a dit? Donnez-leur vous-même à manger. C'est une manière de les éprouver, mais de leur dire, voilà, entrez dans la danse. Et lorsqu'il a prié, avant même de prier, il leur a dit de mettre les gens par groupe. Ils ont participé. Et lorsqu'il a prié et que les pains sont multipliés avec le poisson, il leur a dit à eux de partager. Donc, il ne s'est pas limité simplement à la théorie, mais de façon pratique, il les a joints. Mais lorsqu'il leur dit d'aller attendre la venue du Consolateur, cette puissance, quand il parle, le Consolateur du Saint-Esprit, c'est parce qu'il savait qu'il y avait autre chose dont ils avaient besoin. Et en lisant dans Jean 14, il a bien dit, lorsque le Consolateur sera venu, il va faire quoi? Il va vous enseigner toutes choses et vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Ça fait en 2 parties. Vous enseignez toutes choses. Ça veut dire qu'il y a des choses pendant son ministère qu'il n'a pas pu leur enseigner. Il y a des choses qu'ils n'ont pas dû comprendre lorsque nous suivons l'évolution de ses disciples qui étaient proches de lui. Nous voyons qu'il y avait beaucoup de choses que le Seigneur faisait qu'il ne comprenait pas. Donc, tout ce qu'il n'avait pas encore compris, lorsque le Consolateur viendra, lui, il va leur expliquer, il va les enseigner en tout cela. Ça, c'est la première partie. Et, ce n'est pas tout, il va leur rappeler. Il va leur rappeler tout ce que le Seigneur leur a dit. Donc, je crois que ça se complète. Donc, ici, nous voyons qu'il regarde à cet esprit, lui qui a soufflé sur eux, cet esprit, il sait quel est l'importance de cet esprit-là. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y a quelque chose de semblable qui s'est passé au début, au début de la création. Allons dans Genèse 2, de verset 7. Genèse 2, 7, allez à trouver dans sa version. Oui. Le Seigneur Dieu prit de la poussière au sol et en façonnant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et cet être humain devint vivant. Merci. Imaginez un peu la scène. Dieu a fait quelque chose avec la terre. Ça, c'est ce que les enfants ont l'habitude de faire, non? Les hommes en terre. Ce n'est pas vivant. Il est dit, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et puis il est devenu un être vivant. Il a soufflé. C'est lui le créateur. Avant qu'il ne souffle, ça veut dire que c'était un être inerte. C'est mort posé. C'est ce que nous avons l'habitude de voir lorsque quelqu'un est mort. Il n'y a plus de vie en lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dieu a soufflé. Ça veut dire qu'il est à la source de cette vie-là. Christ, de la même façon, a soufflé sur eux l'esprit. Ils avaient déjà la vie en eux. Mais l'esprit qu'il a soufflé sur eux les rend maintenant, les qualifie pour ce ministère. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas cet esprit en nous, ce ministère, il est difficile de l'exercer. Pensez à quelqu'un qui, parce qu'il a lu la Bible, sans rien, il se lève et il décide de partir évangéliser des gens. Ça va marcher? Je pose la question, ça va marcher? Ça ne marche pas. La dernière fois que je vous parlais de notre sortie à Faléa au Mali, je vous ai dit que c'était avec les proclaimers. On a enregistré la parole de Dieu en Bambara et c'est ça que ces hommes et ces femmes avaient. Ils écoutaient et sur la base de ce qu'ils écoutaient, maintenant, eux aussi partaient vers les gens. C'est pas simple. Et sur cette base, ça va être difficile pour qu'on commence une église si ces gens n'ont pas reçu un certain nombre d'enseignements. Et je vous ai dit que nous avons dit aux missionnaires, nous sommes prêts à nous engager, à aider parce que ces responsables à qui tu as donné ce travail-là, si nous nous regardons à la manière dont l'église fonctionne, ces gens ne peuvent pas être qualifiés pour cela. Ce sont des gens qui ont 3-4 femmes. Ça va être compliqué pour qu'eux mettent sur pied une église qui fonctionne bien. C'est assez difficile. Et il y a beaucoup d'enseignements qui n'ont pas compris. Donc, on ne peut pas s'engager dans cette œuvre sans l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Christ savait cela. Voilà pourquoi il a soufflé. Ce qui montre que c'est lui qui est à l'origine. Et c'est lui qui qualifie pour qu'on puisse faire ce travail-là. C'est lui qui donne cette puissance et avec cette puissance, on peut s'engager dans cette œuvre. Si on s'engage sans cette puissance, on ne pourra pas bien faire cette œuvre parce que nous allons manquer de beaucoup d'enseignements. Il savait pourquoi il a fait cela aussi. Lorsque nous allons dans Éphésiens au premier chapitre, nous voyons ce que l'apôtre Paul dit. Tant que nous-mêmes ne sommes pas convaincus par cet esprit, nous ne pouvons pas faire cette œuvre. Un homme, je ne pense pas qu'un homme puisse convaincre un autre homme de péché. Quelqu'un a trouvé Éphésiens 1, je vais lui demander de lire le verset 13. Éphésiens 1, verset 13. La personne précise sa version et lit. Éphésiens 1, 13. Version 10 secondes. Oui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je continue avec le verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Je m'arrête là. Sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut convaincre une autre personne de péché. Je crois que quand on dit la crue, il y a des étapes pour qu'on aille jusqu'au bout et qu'on dise voilà, il a cru. C'est d'abord qu'il accepte son état de pécheur. Et cet état de pécheur, on ne peut pas l'accepter si on n'a pas eu cet esprit de révélation. Demandez, sortez dans la rue, attrapez la première personne et puis dites-lui, demandez-lui, est-ce que tu connais Jésus? Bon, quelqu'un vous dira oui, si c'est Issa, je le connais. Mais demandez-lui, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Ça, c'est une autre question. Parce qu'il va vous demander le sens de se sauver. Mais nous savons une chose. Pour que quelqu'un dise qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première chose, c'est d'abord de reconnaître son état de... Ok. Il accepte qu'il est pécheur. Et ça, on vous a dit, ce n'est pas parce que lui l'a fait. Ça, c'est depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Ça, c'est l'homme, de façon naturelle, est né pécheur. Ça, c'est la première étape. Il faut que tu sois convaincu. Et ça, c'est l'esprit qui te convainc. Sans l'esprit, sans cette révélation, personne ne peut accepter cet état de pécheur. Donc voilà, cet esprit, celui-là qui doit servir, doit être déjà sauvé. Une fois sauvé, maintenant avec la puissance de cet esprit, on peut aller vers les autres pour leur parler de ce message, leur parler de cet évangile, cette parole de vérité qui est soutenue par l'esprit. Parce que c'est à travers cette parole que l'esprit encore œuvre. C'est pourquoi vous pouvez prêcher l'évangile. Vous pouvez donner votre témoignage de Christ à des milliers de gens. Dans ce lot-là, peut-être c'est une poignée qui va accepter donner sa vie. Certains le feront immédiatement. D'autres prendront du temps. L'esprit travaillera toujours, continuera toujours à travailler et vous pourrez trouver des gens des années après qui vous diront oui, maintenant, je suis chrétien. J'ai accepté Christ. Mais ce n'est pas le premier jour qu'il a entendu. Non, des années après. L'esprit travaille. Et Dieu choisit un temps pour chacun. Celui qui l'a reçu tout de suite, on dira c'est bien. Les autres ont refusé. Vous ne pouvez pas les forcer à accepter parce que ce n'est pas du forcing. C'est un choix fait de façon délibérée. L'importance de l'esprit. Christ a soufflé sur eux afin qu'ils soient d'abord équipés, qu'ils aient la force nécessaire, la révélation même de tout ce qui doit être fait. Et la suite, nous voyons que cet esprit a donné une certaine puissance à ces chrétiens. Quand nous lisons dans le second chapitre des Actes, c'est peureux qu'était Pierre. Et les autres qui étaient cachés dans Jean, nous avons vu, ils étaient cachés dans une maison à côté des Juifs. Dans la chambre haute, probablement, c'était des gens qui avaient encore peur. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a été capable de se tenir devant la multitude pour parler et d'une façon assez tranchante à ces gens et à ces Juifs qui se moquaient d'eux et qui disaient qu'ils étaient ivres. Il a parlé avec assez de force. Tout le chapitre 2, lisez, il leur a dit, ils ne sont pas ivres. Et il leur a dit des vérités que lui, en tant que Pierre, ne pouvait pas dire aux gens avant. Donc cet esprit que Christ a soufflé sur eux les a transformés. Cet esprit leur donne le courage d'aller, de proclamer cette bonne nouvelle. En lisant dans Actes au chapitre 4, Actes 4, nous allons lire là un verset. Acte 4, comme vous pouvez me dire le verset 12. Le salut ne s'obtient qu'en toi. Oui. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Ok. Voilà ce Sanhédrin, ces grands religieux qui ne voulaient pas qu'on parle de Jésus. Pierre leur dit ça. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On vous dit de ne pas parler de lui, et vous dites c'est lui. C'est lui qui est le seul par lequel on peut être sauvé. S'il n'avait pas assez de courage, est-ce qu'il pouvait le dire? C'est parce qu'ils étaient en plus de cet esprit, qu'ils avaient cette capacité d'affronter ces gens-là. Et il continue au verset 19-20, voilà ce que Pierre et Jean disent. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On les a encore menacés de les frapper. Ils ont dit: il n'est pas question. Ils mettent, voilà, ces hommes et Dieu en parallèle. Est-ce que vous croyez que nous allons obéir à vous plutôt qu'obéir à Dieu? Ce n'est pas possible. Voilà cet équipement de l'esprit qui leur donne cette force de pouvoir affronter même ces adversaires qui étaient dangereux. Ils pouvaient les tuer. Le Sanhédrin avait le droit de les condamner à mort, mais cela ne leur faisait pas peur. Et c'est à travers justement ce qu'ils avaient reçu de l'esprit qu'ils pouvaient également, au chapitre 5, le verset 6 et le verset 29, voilà ce qui est dit ici. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'ont pas cette peur. On peut les frapper, on peut tout faire d'eux, mais voilà, leur décision est prise. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Christ a fait cela pour les équiper. Au chapitre 14 de Jean, le verset 26, il a dit que l'Esprit viendra les enseigner toutes choses et les rappeler tout ce que lui leur avait dit. Lorsque nous lisons dans le deuxième chapitre des Actes, tout ce que Pierre faisait, la réponse qu'il a donnée à ces gens devant la grande foule, pendant le ministère de Jésus, il n'avait pas eu à faire cette expérience-là. Il ne pouvait pas le faire. Devant ces gens, voilà ce qu'il a reçu comme sagesse de l'Esprit de Dieu. De reprendre la prophétie que Joël avait faite dans l'Ancien Testament pour lui dire: voilà ce que Dieu a dit. Il va répandre de son esprit sur ses fils et ses filles. Parce que c'est quelque chose qui semblait nouveau pour ces Juifs. C'était quelque chose qui était incompréhensible pour eux. Mais Pierre est revenu pour dire, ça avait été déjà prophétisé. Et voilà l'accomplissement. Ces hommes et ces femmes que vous voyez, qui parlent chacun dans sa langue, ça c'est ce que Dieu avait dit par le prophète Joël par le passé, dans Joël 2. Il va descendre son esprit sur eux. Il avait reçu quelque chose. En lisant toujours dans les Actes, au chapitre 8, nous voyons également Philippe. Acte 8, le verset 29. Philippe avait été chargé, si on commence au verset 26, Acte 8, 26, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Le verset 29 nous dit quoi? Quelqu'un peut le lire pour moi? L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ok, on a dit l'esprit. C'est un ange qui lui a parlé premièrement, n'est-ce pas? C'est ça? Mais on n'a pas dit, l'ange dit, non. On dit, l'esprit lui dit. Voyez, si Jésus dit à ses disciples que il leur enseignera toutes choses. Voilà ici que l'esprit leur donne des directives à suivre. L'esprit lui dit, va parler à cet homme-là. Par le passé, il n'avait pas ces sortes de directives. Il le recevait directement de Jésus lui-même. Mais ici, voici, l'esprit qui a été envoyé leur donne ces directives et avec obéissance, ils le font. Si vous lisez la suite, vous allez voir ce que cet homme a pu connaître le Seigneur et il a même demandé à être baptisé. Philippe a joué son rôle. Lorsque nous lisons toujours dans Actes au chapitre 5, les versets 3 et jusqu'au verset 9, on nous parle également de ce qui est arrivé à Ananias et à Saphira. Voilà quelque chose qu'ils ont fait cacher. Mais comment est-ce que Pierre a pu savoir que c'était caché? C'était par la révélation de l'Esprit. Et quand vous lisez, la première chose qu'il a dit au verset 3, qu'est-ce qu'il a dit à Ananias? Acte 5, 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pierre n'était pas là-bas. C'est pas l'esprit, ça c'est l'esprit révèle les choses cachées. Et la suite, au verset 9, sont des paroles similaires qu'il adresse. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et t'emporteront. Saphira, la même chose a été dite à Saphira. Pierre ne connaissait pas cela. Donc, Christ a donné cet esprit, il a soufflé cet esprit sur ses disciples afin qu'ils aient également cet esprit de révélation. Dans Éphésiens 1 que nous avons lu, il est dit que c'est un esprit de sagesse et de connaissance qu'il nous donne, esprit de révélation et de sagesse qu'il nous donne pour sa connaissance. C'est important. Sans l'esprit, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Et Christ a laissé cela à ses disciples. Et c'est pour cette raison qu'il a continué à leur dire, si l'esprit ne vient, si lui ne s'en va pas, C'est comme ça sera une perte pour eux. Ils ne vont pas bénéficier du consolateur. Et si on dit consolateur, je crois que rien que ce terme renferme beaucoup de choses. Consoler, ça veut dire encourager des gens jusqu'à ce qu'on leur remonte quand ils sont attristés ou ils sont devant une épreuve difficile. C'est pas cela? On dit qu'il faut aller les consoler. On fait quoi? Quand on va pour consoler quelqu'un, on dit, ah, tais-toi, toi aussi, tais-toi. C'est comme ça que vous consolez? C'est une manière de consoler? Non. C'est quand même de façon assez douce qu'on le fait. Deux fois, votre présence devant la personne, sans même que vous n'ouvrez la bouche, console. Des gens qui ont perdu un parent cher, qu'est-ce que vous pouvez dire qui puisse leur amener encore une joie? C'est difficile, non? Mais votre présence à côté de la personne témoigne de votre soutien. Et souvent, c'est suffisant. Et vous voyez, c'est parce que Dieu console que quelque temps après, vous voyez, ces gens qui pleuraient ce jour-là, qui se lamentaient, ils sont capables de rire. Parce que Dieu a permis qu'ils puissent oublier cette situation difficile. N'est-ce pas? Son rôle de consolateur est visible lorsque nous qui sommes des enfants de Dieu, lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est cher, qu'est-ce que nous disons? Nous reconnaissons que c'est lui qui l'a donné. Comme Job, il l'a repris. On dit quoi? Que toute la gloire lui revient. Point. Et puis, on a accepté. C'est plus facile de supporter comme ça. Mais si on dit on n'est pas d'accord, pourquoi, et on continue à se lamenter, on ne fait qu'aggraver son cas parce que vous ne pouvez rien changer. Ou bien, mais lorsque vous acceptez la chose, vous reconnaissez parce que la parole de Dieu nous dit comme ça. La parole de Dieu nous dit, ces gens, on nous a prêtés. Alors, celui qui a prêté va venir les prendre. Donc, s'il le prend, vous n'avez rien à dire. Alors, on se console. Et c'est ça qui fait souvent la différence entre les chrétiens et les autres. Beaucoup de gens posent des questions, mais comment est-ce que ces gens-là, ces funérailles, ils chantent? Parce que chanter veut dire déjà qu'il y a un problème. Ou bien, mais en tant que Christ, chrétien, qu'est-ce que nous faisons? Il y a des chants de consolation que nous faisons. Jusqu'à l'enterrement, on chante, n'est-ce pas? Pour reconforter les gens, les rassurer. Voilà ce que Christ a dit et nous avons cette assurance que c'est comme ça. Et tout cela contribue à consoler parce que c'est Dieu qui donne cette capacité à travers son esprit. L'esprit est réellement au cœur même de notre vie chrétienne. L'apôtre Paul a dit, nous sommes le temple de Dieu où habite son esprit. Alors, si je suis le temple de Dieu, dans lequel il y a cet esprit, je suis contrôlé par qui? Par moi-même? Non, je ne peux pas être contrôlé par moi-même. Pendant que nous sommes en train de faire le culte ici, à ce moment-là, il y a des comportements que personne ne va accepter. Si quelqu'un se lève et puis il rit à grand éclat et tape des pieds, il y a un problème. Chantal, tu n'as pas dit qu'il y a un problème? Oui, on va dire non, il y a un problème avec lui. Parce que pendant le culte, on ne fait pas ça. Hein? Pendant le culte, on doit faire ça? Non, on va dire qu'il y a un problème avec lui. On va chercher à comprendre. Parce que c'est inapproprié. Ça, c'est dans ce temps, dans cette maison, pendant qu'on est en train de faire le culte. Mais après cela, si les gens partent et puis on reprend et ça devient le salon du foyer, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, sauter, crier. Oh, ça ne va pas offusquer quelqu'un. C'est pas cela? Voilà le sens de ce temple-là. Si je suis le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que ce qui est en moi, ce qui doit être en moi, c'est quoi? C'est ce qui est propre, qui convient à l'Esprit de Dieu. C'est ça? Et c'est pour cela que l'apôtre Paul fait la différence entre cette vie charnelle et puis maintenant cette vie en tant que habitation de l'Esprit de Dieu. Et il donne en Galates 5, 22 le fruit et les composantes même qui sont dans ce fruit-là, qui doit être trouvé en toi, dans lequel l'Esprit habite. Si tu n'as pas ce fruit-là, avec ces qualités-là, comment est-ce que tu peux jouer ton rôle? Comment est-ce que tu peux aller jusqu'au bout de cette mission-là? Est-ce que c'est possible? Vous êtes un homme violent. Et en tout, quand les gens vous voient, ils se mettent de côté. Vous pourrez évangéliser? Je pose la question, vous pourrez évangéliser? On ne va pas vous écouter. Si les gens voient d'ailleurs la peur, les prendre, ils se cachent. Vous avez parlé de quoi? On ne vous écoute pas. Vous êtes quelqu'un qui, quand il prend les crédits, il ne paye pas. Et puis vous avez dit, vous dites, Christ est vivant. Mon frère, ma soeur, tu as entendu? Christ est vivant. Ceux qui sont assez courageux peuvent vous dire, il est vivant et puis toi, tu payes, tu prends crédit, tu ne payes pas. Ton Christ est où? Parce que ces gens, ils sont dehors, mais quand ils écoutent, souvent, ils connaissent les qualités de notre Christ là plus que nous les chrétiens. Voyez? Donc, nous sommes obligés d'avoir en nous ces qualifications de l'esprit pour que nous puissions de façon convenable mener à bien cette mission dont le Seigneur a parlé, l'a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Nous avons besoin de paix en nous-mêmes d'abord. Ensuite, cet esprit qui habite en nous, auquel nous sommes soumis et duquel nous tirons les qualités qu'il faut pour pouvoir jouer notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes à la période de la Pâque, justement, moment où on nous parle encore de cette souffrance, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et de ce qu'il a donné comme mission à ses disciples avant de partir. Nous devons nous rappeler cela. Vous et moi, nous avons besoin effectivement que l'Esprit nous habite et qu'il nous soutienne. Et c'est Paul qui a encore dit, c'est le même Esprit d'ailleurs qui nous aide à notre faiblesse. Romains 8, 26. Il le dit clairement. C'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Et c'est cet Esprit qui intercède pour nous. Parce que souvent, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Est-ce que toutes vos prières, vous croyez que dans toutes vos prières, vous arrivez à dire exactement à Dieu ce que vous voulez? C'est une question que je vous pose. Est-ce que des fois, vous ne priez pas et puis après, vous vous dites, mais si Dieu m'avait donné la chose là, à ce moment-là, ça risquait de ne pas être bien. Hein? Cela ne vous est jamais arrivé? Jamais? Vous avez demandé quelque chose à Dieu. Vous avez demandé, demandé, ce n'est pas venu. Bon. Et puis, ça a duré. Et puis, vous vous rendez compte, ah, s'il m'avait donné ça hier, ça risquait d'être bizarre. Hein? Mais Dieu a attendu son temps avant de donner. Peut-être que lorsque vous avez demandé qu'il n'a pas donné, vous ne devez pas être content. N'est-ce pas? Parce que pour vous, ce n'est pas correct. Pour vous, il ne vous a pas écouté. Mais il sait. Et c'est l'Esprit qui aide à comprendre tout cela. Pourquoi ne t'a-t-il pas donné la voiture en ce moment? Parce que s'il t'avait donné, tu risquais d'avoir beaucoup de problèmes. Et ça risquait de te conduire loin. Pourquoi? Tu as toujours gardé ton vélo jusqu'à ce moment-là? Il sait. Pourquoi ne t'a-t-il pas donné l'enfant? En ce moment bien précis, Dieu sait. L'Esprit nous aide souvent et il dit qu'il intercède pour nous. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des moments de faiblesse. Je voudrais qu'ensemble, vous tenez de bon rappel. Nous avons besoin que cet Esprit nous conduise en toutes choses. Seigneur nous l'a déjà donné. Il a dit que nous sommes son temple. Nous devons nous disposer à réellement le garder, nous soumettre à lui, faire comme lui le veut pour accomplir cette mission qu'on nous a confiée. Deux fois, c'est parce que nous n'avons pas accepté d'être équipés comme l'Esprit le veut que nous avons la peur, notre langue est collée, nous ne pouvons pas parler de Christ aux autres. Prions chacun pour lui-même. Demandons à Dieu de nous aider, que cet esprit continue toujours à nous diriger, à nous montrer ce qu'il faut faire et à nous révéler ce qui n'est pas convenable. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Te bénir pour ma vie, pour le ministère. Je te demande de continuer toujours à m'aider. Ô Seigneur, j'ai besoin réellement de toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ta direction. Besoin que Seigneur, à tout moment, tu sois celui qui dirige, tu sois celui qui me révèle, tu sois celui qui, éternel Dieu, comme ce que tu as fait à Philippe, que tu donnes des directives, oui, que tu révèles les choses cachées, afin que Seigneur, à tout moment, tu demeures attaché à toi. Ô Père, je te bénis, je te loue, oui Seigneur, ce matin pour cela, je t'exalte et je te magnifie, viens maintenant, conduis toutes choses. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et merci de ce que tu vas nous aider au nom de Jésus. Amen. Dieu demanda à Draman de lever la voix et dit merci à Dieu parce que nous savons qu'il nous a écoutés et qu'il a répondu. Vous asseoir. Bien. Quand on parle de mariage, vous savez que le pasteur est partant, n'est-ce pas? Bon, il y a le mariage de Aude. Nous ne serons pas là-bas, mais nous allons prier pour cela. Il y a celui de Johanna et de Draman qui vient. Il y a celui de Eva et de Karim qui vient. Mon frère, ça n'a rien dit d'abord, mais je sais que ça aussi, c'est en route. N'est-ce pas ça? Ok. Donc, ça fait combien? Ça fait beaucoup, hein? Antoine, toi, tu n'as rien dit aussi. Bon, on ne parle pas. Non, moi, j'ai déjà fait. Tu as déjà fait? Bon, d'accord. Pas de problème. Donc, on va prier. On va confier tout cela au Seigneur. Bon, eux, ils vont voyager pour aller, pour les préparatifs et autres. C'est pas simple. On va demander à Dieu que lui-même soit au devant de toutes choses. Pour les autres qui sont en train de se préparer aussi, il y a des choix de dates, ensuite des préparatifs et peut-être des voyages aussi. Donc, on va confier tout cela au Seigneur ensemble. Bon, je ne parle pas des démarches. On verra ça pendant le temps de prière. Donc, on va confier ce qui est concret dans les mains. Où est la cela? Allez, tu tiens hier. Ah, la salle dit que ça, on voit de nos yeux. Donc, ce qu'on ne voit pas là, les Philippe là vont comprendre. Ce qui est caché, on verra. Donc, on va prier pour ces voyages, ces mariages et demander encore l'assistance de Dieu. Prions ensemble. Père, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons et nous te louons pour ta grâce et ton amour. Oui, Seigneur, c'est ta parole qui, éternel Dieu, nous enseigne qu'il n'est pas bon que l'homme sois seul. Et, Seigneur, tes enfants que tu connais par leur nom, par leur qualité, leur capacité, ceux-ci voudraient accomplir cela. Et nous voudrons te les confier. Nous voulons te prier pour notre sœur Aude et son futur mari, que tu sois avec eux, que tu soutiennes tous les préparatifs en cours, que tu sois avec Paul et Martine pendant ces temps de préparatifs et de voyage. Nous voulons te confier Johanna et Draman. Sois avec eux, soutiens-les pendant qu'ils se préparent pour également cet événement. Nous te prions pour Karim et Eva qui aussi ont ce projet, que toi-même tu sois avec eux, tu les gardes en sécurité dans leurs études aussi, que rien ne vienne perturber quoi que ce soit. Nous prions pour Sam et Sarah, que tu manifestes encore ta grâce dans leur vie. Merci Seigneur de ce que tu as écouté nos prières pour tous ces frères et sœurs qui se préparent. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que tu vas répondre favorablement à nos requêtes en leur faveur. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur le bénisse et à la maison, continuez à prier pour ses frères et ses sœurs. Pensez à eux dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse.